Au sein de la famille Eastwood, la musique a toujours été une affaire de famille. Kyle Eastwood réinvente les plus grands thèmes des musiques des films de Clint Eastwood, accompagné de son quintet et d'un orchestre symphonique. Découvrez Clint Eastwood comme vous ne l'avez jamais entendu. Eastwood Symphonique, l'album événement enfin disponible. France Inter. Alors là, je crois qu'on a atteint la quintessence de l'émission Blockbuster. Un fan de jeux vidéo qui invite d'autres fans de jeux vidéo parce qu'ils ont fait un manga sur un fan de jeux vidéo. C'était complètement méta comme émission. Et continuer comme ça, changez rien. Bisous. J'ai une question par rapport à Shangri-La Frontier. Vous avez parlé du coup d'une adaptation jeu vidéo du manga et ça m'interroge pas mal parce que comment on adapte en jeu vidéo une histoire d'un mec fan de jeu vidéo ? Est-ce que les commandes sur le clavier, ça permettra de faire bouger les doigts du personnage qui lui-même est en train d'appuyer sur un clavier pour jouer à un jeu vidéo ? Et du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir un manga qui parlera d'un fan de Shangri-La Frontier ? Manga qui pourra également à nouveau être adapté en jeu vidéo ? Wow, c'est vertigineux. Hello Blockbuster, je viens d'apprendre que la prochaine émission sera sur Evil Dead. Je suis impatient de l'écouter, merci. Je viens de revoir Evil Dead 3, que je n'avais pas vu de longtemps. Il est mieux que dans mon souvenir, il y a plein de détails. J'ai enfin compris qu'un de mes plans préférés des visiteurs de Poiré, fait l'année suivante, c'était la caméra posée sur une flèche qui atteignait le beau-père et puis ensuite l'ours. En fait, était déjà dans le Sam Raimi l'année précédente, Evil Dead 3. Merci beaucoup pour cette émission, bon courage, à bientôt. Aux États-Unis, les acteurs viennent de rejoindre les scénaristes dans leur mouvement de grève face aux grands studios de cinéma et de télévision. Conséquence directe, tous les tournages de films et de séries sont interrompus pour une durée indéterminée. Et déjà, une douce petite musique s'élève sur les réseaux sociaux qui ne va pas arranger ma misanthropie naturelle. Ouais, franchement, quelle bande de privilégiés. Quand on voit combien ils touchent par film, ils n'ont pas de quoi se plaindre. Commentaire qui m'a rappelé le mouvement de grève des cheminots, ces parvenus aux régimes spéciaux indécents qui, avec leur prime charbon, faisaient soi-disant du jet-ski au bord des plages de Punta Cana. Résultat, quelques années plus tard, on se tape des billets de train prohibitifs qui te font te demander à quel moment exactement la SNCF est censée te faire préférer le train. Un réseau ferré, dégradé, des augmentations des tarifs de cartes avantages qui n'ont d'avantage que le nom. Lors du mouvement contre la réforme des retraites, beaucoup ont pointé du doigt les jeunes. Pourquoi ils manifestent pour leur retraite? Ils n'ont même pas commencé à bosser. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes ont découvert la bouche en cul de poule qu'elles allaient devoir bosser 2 à 3 ans de plus pour une réforme qui va coûter plus cher que ce qu'elle rapporte. Les économistes du FMI, qu'on ne peut difficilement pas qualifier de gauchistes, ont avoué que l'inflation européenne était principalement due au profit des entreprises. Peut-être qu'il faut accepter l'idée que les gens qui se mettent en grève ne le font pas par plaisir, et encore moins dans un pays libéral comme les États-Unis. Mais peut-être surtout parce qu'ils connaissent leur métier et la manière dont les actionnaires de grands groupes sont en train de le saccager. Les grévistes sont à notre époque ce que Cassandre était à la guerre de Troie. Ceux qui voient la catastrophe à venir, mais qui perpétuellement sont condamnés à ne jamais être crus. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. C'est la bande qu'on a trouvée en bas. Il y a un certain nombre d'années maintenant, j'ai entrepris de fouiller les ruines de Kandar en compagnie de confrères archéologues. La découverte que j'ai faite sur le site de Kandar me paraît en tout point capitale. Il s'agit d'un recueil d'incantations accompagnant les rites funéraires sumériens. Le titre de ce manuscrit est Naturan Demanteo, que l'on peut approximativement traduire par « Livre des morts ». Sa reliure est faite de chair humaine et son encre de sang. L'ouvrage en question traite des démons, de leur résurrection, ainsi que de ces forces obscures qui hantent les forêts de l'humanité. Les premières pages nous mettent en garde contre ces créatures qui défient le temps. Elles peuvent être en sommeil, mais ne meurent jamais. Les incantations contenues dans cet ouvrage ont précisément pour vertu de les ramener à la vie. Les lire à haute voix équivaut à donner aux démons l'ordre de posséder les vivants. Hey, oh, mais qu'est-ce qui te prend? Ça devenait cool. Je veux pas en entendre davantage. Un point, c'est tout. Faut qu'on écoute la suite. C'est quand même pas la mer à boire. Tantir mano mansison hazan sobar. Depuis tout jeune, j'ai une passion pour les films d'horreur. Alors me demandez pas pourquoi, hein. J'ai grandi dans l'Est de la France, dans les années 80. Entre le chômage, le nuage de Tchernobyl, le petit Grégory et Simone Weber, peut-être qu'on était un peu moins dans un mood comédie. Mais s'il est une saga que j'ai toujours trouvée largement au-dessus du genre, c'est la saga Evil Dead, initiée par Sam Raimi et incarnée par le cultissime Ash Williams, joué par Bruce Campbell. Et pour comprendre pourquoi Evil Dead demeure aussi culte, j'ai avec moi Alexandre Poncet, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, producteur, compositeur, également conservateur du musée cinéma et miniature de Lyon. Et on vous reçoit parce que vous êtes aussi journaliste à Mad Movies et que vous avez écrit la majeure partie du passionnant et foisonnant hors-série consacré à Evil Dead en avril dernier, qu'on peut toujours se procurer sur le site du magazine. Absolument, merci pour la pub. Avec nous également pour la première fois, et on est ravis, Marie Casabonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, journaliste et critique cinéma. Vous travaillez notamment pour le ciné-club Panique Cinéma et les médias Capture Mag et Écran Large. Et vous avez coécrit le livre Slasher aux éditions Vent d'Ouest. C'est ça. Et avec nous de retour, Arnaud Tomassini, bonjour. Hello Fred. Alias Arnaud Kikou, journaliste, rédacteur en chef de comicsblog.fr, co-créateur, producteur et animateur du podcast First Print, traducteur, éditorialiste et relecteur de comics pour plusieurs maisons d'édition, mais surtout énorme fan de films d'horreur. Exactement. Et merci de ramener cette culture nerd sur le service public comme toujours. Les présentations sont faites, il est désormais temps d'ouvrir les premières pages du Necronomicon. My name is Ash. Je m'appelle Ash. And I am a slave. Et je suis un esclave. Close as I can figure it, the years. Apparemment, on est dans les années 1300 et quelques de notre ère, et on me traîne vers ma mort. It wasn't always like this. C'est assez nouveau pour moi. I had a real life once. J'avais une vie normale avant. A job. Un boulot. On demande un spécialiste en travaux domestiques. Chez Priba, les prix sont bas. I had a wonderful girlfriend. J'avais une petite amie formidable. Linda. Together we drove to a small cabin in the mountains. Nous avions décidé d'aller passer un petit moment dans un chalet à la montagne. It seems an archaeologist had come to this remote place. Il semble qu'un archéologue avait dû séjourner là pour étudier et traduire ses dernières découvertes. Necronomicon ex mortis. Necronomicon ex mortis. The book of the dead. Le livre de la mort. This ancient Sumerian text. Il contenait d'anciens textes sumériens qui révélaient des rites funéraires bizarres, des formules incantatoires qui devaient servir à ressusciter certains démons. Ce livre n'était sûrement pas destiné au monde des vivants. Il réveilla une chose maléfique dans les bois. Un extrait d'Evil Dead 3, l'armée des ténèbres. Vous avez pu entendre Ash Williams, alias Bruce Campbell, et en français, c'est Patrick Florsheim. Alors, ma première question, c'est que au départ de la saga, Alexandre Poncet, il y a une amitié entre quatre jeunes garçons passionnés de cinéma. Sam Raimi, son frère Ivan, Bruce Campbell, et puis Rob Tappert. Absolument, même un peu plus que quatre garçons, parce qu'il y avait aussi Scott Spiegel, il y avait Josh Baker. En fait, tous ces jeunes ont grandi dans la banlieue de Détroit. Et chacun faisait ses courts-métrages amateurs en 8 mm, même pas encore super 8 mm. Et en fait, chacun habitait dans un quartier différent. Au début, Bruce Campbell, à 13-14 ans, a fait des courts-métrages avec Josh Baker et Scott Spiegel, qui sera l'auteur, ans, le co-auteur très de Evil Dead 2. 13-14 ans, absolument. Et le premier court-métrage de Sam Raimi, qu'il a fait tout seul, et il avait 13 ans. C'était en 1972. Et en fait, au collège, ils se sont un peu tous rencontrés. Et au lycée, ils ont commencé vraiment à travailler ensemble. Tous les quartiers ont commencé à se réunir, en fait. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus forts ensemble. Ils ont rassemblé du matériel et ils ont commencé à faire leur court-métrage de façon un petit peu plus professionnelle. Marie Casabonne, comment avez-vous découvert la saga Evil Dead? Alors moi, c'est une saga que j'ai découvert un peu tard par rapport à ma découverte du film d'horreur. Moi, j'avais surtout découvert les films de Wes Craven, donc surtout la saga des Freddy et le début de la saga Scream. Et donc ça, c'était vers 12-13 ans. Et plutôt vers 17-18 ans, j'ai découvert Evil Dead. Et en fait, j'ai vu les trois d'un coup, vu que là, j'avais pas à attendre, tout était déjà sorti. Et j'ai pris une claque parce qu'en fait, surtout avec le premier et encore plus avec le deuxième, j'avais jamais vu l'horreur filmée comme ça, en fait. Arnaud Tomassini, votre rencontre avec Evil Dead? C'est peut-être un peu similaire à Marie, mais moi c'était vers 14-15 ans, parce que il y avait un interdit aux moins de 16 ans sur la jaquette du DVD de ma médiathèque, et j'étais fasciné déjà par l'interdit, parce que mon père, que je salue, en fait, était très, me bridait beaucoup sur ce que j'avais le droit de regarder ou pas. Et en fait, Là, il s'est raté quand même, hein. Complètement. Bah, surtout, toute son éducation culturelle, en fait, je fais tout ce qu'il voulait pas que je fasse, mais du coup, j'ai réussi à emprunter ce DVD, alors que j'avais pas l'âge, mais avec la complicité du type de la médiathèque, et pareil, une énorme claque, le premier, surtout vraiment le premier, pour l'horreur vraiment telle qu'elle était, le gore que je découvrais vraiment, les effets spéciaux qui m'ont rendu complètement dingue, et surtout qu'après j'ai passé tout l'été à le regarder et à le montrer à ma sœur, à le montrer à des potes, vraiment, et je crois qu'il a fait le traumatiser toute une génération, ouais, mais il fallait, parce que vraiment c'est, je crois que ça a vraiment réveillé mon goût pour le gore aussi à ce moment-là. Marie Casabonne, il faut le dire aux auditeurs qui n'auraient peut-être jamais vu Evil Dead, les deux premiers particulièrement sont des films extrêmement difficile et hardcore. Quand on découvre comme ça l'horreur, ils font pas semblant. Ouais, surtout le premier, c'est vraiment de l'horreur pure, parce que le deuxième bascule un peu dans la comédie, ce qui était le but à la base de Sam Raimi, mais le premier, vraiment, ils se sont concentrés sur l'horreur, donc il y a des tonnes de faux sang, il y a des maquillages, en fait, ils expérimentaient en même temps qu'ils apprenaient en fait sur le tas, et vraiment, il y a ce côté horrifique qui est incroyable avec cette caméra, qui est une caméra subjective, en fait, qui est un personnage, qui est la créature qu'on ne voit pas, puisque bah, déjà, c'est malin, parce que quand on n'a pas le budget et forcément les compétences qui sont en train d'être acquises pour faire un monstre, bah autant le montrer en caméra subjective et le montrer par ses yeux. Et donc il y a cette caméra qui fait des plans impossibles, qui va dans tous les sens dans la forêt. Un gros travail aussi sur le sound design. Moi, au-delà de ça, c'était vraiment, je pense, le travail sur le son qui me faisait vraiment peur. Il y a dans les deux premiers assez peu de BO, mais beaucoup, beaucoup de travail sur le son. Et ouais, je pense que c'est des images et des sons qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Alexandre Poncet, comment est né Evil Dead et pourquoi Sam Raimi s'est tourné vers le film d'horreur, vu qu'on sait que parmi les influences qu'il avait, il y avait des westerns et aussi les frères des Groucho Marx, qui sont des comédies, les Three Stooges. Absolument, oui, il était fan de slapstick et ils étaient tous fans de comédie, hein, de comédie absurde. La plupart de leurs courts-métrages étaient comiques, mais en fait ils ont fait un moyen métrage, presque un long métrage à l'université, que donc Sam Raimi a réalisé, quelque chose qui s'appelle It's Murder. Et au milieu du film, il y avait une séquence un petit peu horrifique avec un tueur au marteau. Et il a vu l'effet que ça a eu sur les spectateurs. En fait, la projection a été un désastre, sauf cette séquence. Et il s'est dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qu'il faut creuser. Ils se sont dit aussi que pour faire une comédie, il fallait des stars. Il fallait Steve Martin, il fallait... Enfin voilà, ils avaient pas le budget pour ça. Par contre, la plupart des films d'horreur à l'époque, que ce soit Halloween, Massacre à la tronçonneuse, il n'y avait pas besoin de stars. Et ils pouvaient les vendre facilement dans les drive-in. Et quand ils allaient au drive-in, ils pensaient qu'ils pouvaient faire bien mieux que ce qu'ils voyaient là-bas. Et comment s'est passé le tournage ? Parce que c'était une toute petite équipe. Et d'après ce que j'ai pu lire dans votre excellent hors-série Mad Movies, ça a été périlleux. Ah, ça a été particulièrement périlleux, mais ça a été... disons que le tournage a commencé en fin 1979. Au début, ils sont allés dans le Tennessee, hein, ils sont partis de Détroit, ils ont trouvé une maison dans le Tennessee. Ensuite, quand ils sont arrivés sur place, le propriétaire de la maison a dit « Non, je vous la prête plus ». Donc, ils ont commencé à tourner sur la route. Ensuite, ils ont trouvé une étable. L'étable était complètement vide, hein, donc ils ont pu tourner quelques extérieurs, mais ils ont fait venir un ami qui savait faire de la charpenterie. Ils ont construit entièrement la maison, sauf la cave, et ensuite les acteurs ont dû partir pour les fêtes de Noël. Il y en a beaucoup qui sont pas revenus, le directeur de la photographie n'est pas revenu, Sam Raimi a commencé à tourner lui-même, et ils ont tourné jour et nuit pendant plusieurs mois, c'est pas un tournage court du tout, donc dans des conditions très difficiles, et ensuite ils sont revenus vers Détroit, et ils ont tourné dans la ferme des parents de Rob Tappert, le producteur, tous les plans qui manquaient, notamment la cave. Et d'ailleurs, durant cette période de tournage, c'est Ted Raimi, le plus jeune frère des frères Raimi, qui disait qu'il y avait une ambiance un petit peu de confraternité universitaire, mais dans la forêt, parce qu'il dormait à même le sol pendant plusieurs mois. Alors, c'était pas tout à fait dans la forêt, ils avaient loué une maison. à côté de pas trop loin de l'étable. Et effectivement, ils partageaient la maison. Donc, il y avait 3 étages et il y avait chaque chambre était occupée par 2, 3, 4 personnes. Il faut savoir qu'ils avaient environ 18 ans à l'époque, hein, pour la plupart. Donc effectivement, Ted Raimi, petit frère de 14 ans qui vient aider sur le tournage, il s'est retrouvé dans une frat house. C'était un petit peu Animal House de John Landis, mais version un petit peu plus trash, quoi. Ted Raimi qui joue Joxer dans la série Xena, parce qu'il était évident que j'allais parler de Xena aujourd'hui. Il y a énormément de liens. Voilà, et je sais qu'il y a Fabienne Sintès qui doit écouter ça quelque part en disant « Ah oh non, je déteste Xena !» Eh ben moi j'adore, tant pis. Arnaud Tomassini, selon vous, qu'est-ce qui explique que Evil Dead soit devenu aussi culte? Bah, il y a 2 aspects, je dirais. Enfin, d'une part, le travail sur la réalisation avec, comme mentionnait Marie, les effets de caméra, donc notamment sur le démon. Mais enfin, il y a tout un tas d'artifices qui ont été trouvés entre les angles choisis ou juste le fait qu'ils ont vraiment bricolé sur place, en fait, comment filmer des choses de façon à ce qu'on ne voit pas les trucages et sans les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui non plus, sans les retouches numériques. Et dans le bouquin qu'Alexandre a écrit, on voit vraiment que ils se tiennent sur des planches, ils courent dans la forêt dans tous les sens, il y a des câbles qui sont utilisés. Enfin, il y a vraiment un ensemble de moyens techniques. T'as l'impression que c'est fait, enfin que c'est un système D, que c'est bricolé avec des bouts de ficelle, et pourtant ça marche hyper bien à l'écran. Et au-delà de la réalisation, ben tout le travail sur les effets spéciaux. J'aurais plus le nom des maquilleurs, enfin de ceux qui ont fait les prothèses, de tous ceux qui ont fait les maquillages des Deadites, vraiment des personnes qui sont transformées en... Possédées par les démons. Ouais, le travail sur la stop-motion aussi, des effets de stop-motion qui sont faits, ou de filmer à reculons, enfin de monter les images à reculons pour donner des impressions de Vin qui rampe vers quelqu'un, alors qu'en fait il les retirait lorsqu'ils ont fui. Enfin, il y a tout un ensemble de... Je sais pas, parce que moi j'étais pas vivant à cette époque-là, mais je pense que c'était du jamais vu dans l'expérimentation vraiment de la technique et de l'image à ce moment-là. Marie Cazabonne, c'est vrai que quand on prend le scénario pur d'Evil Dead, c'est une histoire extrêmement simple. On va dans un chalet, ils tombent sur un livre fait de peau humaine et ils font ce qu'il ne faut jamais faire. Que tous les personnages de films d'horreur font. Oui, parce qu'il faut le redire, ils sont complètement débiles. parce qu'il ne faut pas faire ça. Mais ensuite, il y a une sorte de trip qui est quasi expérimental dans Evil Dead. Oui, en fait, le film, il y a vraiment très très peu de caractérisation, il y a beaucoup d'action. Dès les toutes premières minutes, j'ai revu le film ce matin et ça m'a frappé que vraiment dès les premières minutes, avant même qu'ils arrivent à la cabane, ils manquent d'avoir un accident. Alors, c'est pas du tout un effet horrifique grandiose, mais le film nous dit dès le départ, attention, on va jamais te laisser te reposer, toi, petit spectateur. Et donc, il y a vraiment cette frénésie tout au long du film. Les personnages, en fait, n'ont pas besoin d'être caractérisés parce qu'on s'en fiche. Au final, déjà, la plupart, ils vont être transformés en Deadites très vite. Et Ash, on lui invente un petit peu un background et une histoire seulement à partir du 3e, où on sait tout simplement qu'il est juste employé d'un supermarché, donc c'est déjà pas la caractérisation la plus grande. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça, parce que c'est vraiment un film qui ne nous dit pas des choses sur les personnages, mais qui nous montre, en fait. C'est vraiment de la pure mise en scène, comme disait Arnaud. Il y a vraiment, tout est mis en image. Et cette folie, en fait, elle est vraiment mise en image, et il n'y a pas besoin de nous raconter grand-chose et de caractériser les personnages sur ça, quoi. On est ensemble pour parler de la saga Evil Dead, et qui dit livre des morts, dit bouche de l'enfer qui s'ouvre, dit évidemment démon, etc. Et quoi de mieux que Motorhead avec Ace of Spades? That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Sur France Inter. It's only been a few hours since I've translated and spoken aloud. Cela ne fait que quelques heures que j'ai déchiffré les premières pages du livre des morts. The first of the demon resurrection passages from the book of the dead. J'ai parlé ouvertement de la résurrection des démons. Shh, listen up. This is my father's voice. Écoute bien, c'est mon père, c'est sa voix. And now I fear that my wife has become host. Aujourd'hui, je crains que ma femme ne soit habitée par un démon de Kandar. To a Kandarian demon. May God forgive me for what I have unleashed unto this earth. Que Dieu me pardonne ma découverte. Last night, Henrietta tried to... L'autre nuit, ma femme a essayé de me tuer. How? It's now October 1st. Nous sommes le 1er octobre. 4:33 p.m. Il est 16h30. Henrietta is dead. Henrietta est morte. I could not bring myself to dismember her corpse. Je n'ai pas eu le courage de dépecer son cadavre. Steps. Je l'ai traîné dans les escaliers. I buried her in the cellar. Je l'ai enterré dans la cave. God help me, I buried her. Je l'ai enterré dans la floor cave. Of the fruit cellar. Elle repose en paix. Vous avez entendu? Il y a quelqu'un avec lui en bas. Non, c'est impossible. Partons d'ici. Il y a quelqu'un dans mon cellier. Ah quelqu'un avec une arme. Ah ah laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-le sortir. Il n'y a personne. Il se fout de vous. Sortez-le de là. Couvrez-moi. Non, laissez-moi sortir. Non. Viens avec moi. Oh, sortez-moi de là. Viens avec la douce Henrietta. Là, dépêchez-moi. Mais j'y arrive pas. Au secours. Aidez-moi, vite. Un extrait d'Evil Dead 2, et si jamais vous êtes effrayé rien qu'à l'évocation sonore des films d'horreur, dites-vous que c'était une épreuve de Fort Boyard. Voilà, sort, la clé, c'est la même chose. Et vous avez pu entendre John Peaks, qui est doublé en français par Jean Berger. Alexandre Poncet, la France a accueilli très chaleureusement la sortie du premier Evil Dead. C'est au Grand Rex où se sont jouées beaucoup de choses? Alors, déjà à Cannes avant, parce que Irvine Shapiro, qui était le vendeur international du film, a aidé beaucoup déjà à trouver le nom Evil Dead, parce que ça devait s'appeler Book of the Dead. Et en fait, c'était plus court de mettre, c'était moins cher de mettre Evil Dead dans les journaux parce qu'il y avait moins de lettres. Et Irvine Shapiro a organisé une projection à Cannes pour le marché du film. Et le film a été vendu un peu partout. Il est passé à CGS et ensuite il est passé au Grand Rex, effectivement. Et Robert Tapert et Sam Raimi s'en souviennent encore. Hein. C'est-à-dire que c'est la projection la plus folle de leur vie. Et après le Grand Rex, la carrière du film a décollé. Donc effectivement, la France a eu un très très grand rôle dans la carrière d'Evil Dead. Et alors le grand public l'ignore, mais il y a notamment un personnage très connu qui était déjà là dès les prémices de lancement de Evil Dead, c'est Joel Cohen, des fameux frères Cohen, qui est lié en fait à Evil Dead et à Sam Raimi. Absolument, Joel Cohen en fait était l'assistant monteur, donc c'était l'assistant de la monteuse à New York. Et donc Bruce Campbell et Robert Tapert et Sam Raimi ont discuté avec lui. Et en fait, Sam Raimi l'a trouvé vraiment plutôt prometteur. Et il lui a laissé une séquence à monter, qui est la séquence où Ash, dans le premier, met toutes les chaînes autour de sa petite amie dans l'intention de la tronçonner. Voilà, c'est pas une comédie. Oui, alors il faut préciser qu'il y a une raison pour ça. Hein. C'est devenu un démon qui veut tous les exterminer. Hein. Il a pas fait ça gratuitement. Hein. Exactement. Donc il veut sauver son âme en démembrant le démon. Et en fait, cette séquence est montée par un des frères Cohen, effectivement. Marie Casabonne, il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé et dont l'amitié remonte à très loin avec Sam Raimi, c'est Bruce Campbell qui fait preuve d'un investissement physique qui est digne de celui de Buster Keaton ou Charlie Chaplin dans les grandes heures du muet. Et c'est vrai que le Evil Dead 2, c'est presque un film muet au final, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on disait que le film dit peu de choses, il y a peu de dialogue, il y a quelques voix off, notamment dans les magnétos qu'on vient d'entendre, mais au final, Bruce Campbell parle très peu et surtout Evil Dead 2, c'est la naissance d'un acteur et d'un corps comique, en fait. Il a vraiment cet aspect burlesque. Et comme tu le disais, ça, c'est quelque chose qui vient de Buster Keaton, de Charlie Chaplin, et qui se retrouvera plus tard, par exemple, dans les premiers rôles de Jim Carrey au cinéma. Et en fait, il a vraiment, je crois qu'à part les 5 premières minutes d'exposition, ensuite, il y a 35 minutes où vraiment, c'est Bruce Campbell, enfin, H tout seul dans la cabane, et il tient le film en parlant très peu, en devenant fou. Il y a cette scène de la cuisine qui est incroyable, où il se casse des assiettes sur la tête, il fait des saltos, sa main est possédée, lui est à moitié tombé dans les pommes, sa main avance toute seule avec d'ailleurs un très beau plan de vue subjectif de la main comme si elle avait des yeux. Et en fait, il y a vraiment tout ce côté de corps burlesque qui se révèle. Et c'est aussi la naissance d'un personnage horrifique assez original, parce que quand on parle de personnages masculins des films d'horreur, c'est surtout des tueurs, en fait. Ça peut être Freddy, Ghostface, Michael Myers, Jason, Chucky, etc. C'est toujours des boogeymen, des tueurs. Et là, en fait, on a un personnage masculin qui n'est pas un méchant. Bon, c'est un idiot, mais c'est pas un méchant. Ah, puis c'est vraiment un abruti. Un gros idiot, on le verra encore plus dans le troisième. Mais en fait, on a ce côté-là où, en fait, c'est une scream queen. C'est un personnage de final boy par opposition à la final girl qui est la dernière survivante. Et il a un peu ce côté-là où, après, ça vient aussi de Sam Raimi qui aimait beaucoup torturer son petit frère et son copain. Donc, il mettait le paquet sur Ted Raimi et sur Bruce Campbell. Mais il a vraiment ce truc où il crie, entre guillemets, comme une fille, parce qu'on a l'habitude d'avoir des personnages féminins qui crient comme ça dans les films d'horreur. Et il a une trajectoire de Final Girl. Moi, je trouve toujours que son évolution dans les trois Evil Dead, c'est un peu l'évolution qu'aura le personnage de Final Girl pendant des décennies d'histoire du cinéma, où dans le premier, c'est le dernier survivant, mais un petit peu de manière accidentelle et par hasard. Dans le deuxième, il commence à prendre un petit peu les choses en main. Et dans le troisième, il est iconisé, comme le sont aujourd'hui les Final Girl, avec des personnages très badass. Arnaud Tomassini, il y a quelque chose de très étrange dans la saga Evil Dead, c'est que ce sont des films très âpres, avec des effets gore qui peuvent glacer les spectateurs les plus sensibles. Et en même temps, il y a cette dimension burlesque, humoristique, très très forte, incarnée par Bruce Campbell, ce qui fait que quand il est dans un Evil Dead, tout est désamorcé d'une certaine manière, parce que Ash est une sorte de cartoon. Mais quand il est pas là, on a affaire à des films d'horreur les plus éprouvants qu'il puisse y avoir. Comment vous analysez cette dualité entre Ash, le Evil Dead de Ash, et le Evil Dead sans Ash? Bah déjà, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, parce que voilà. Même dans les Evil Dead 2 et 3, pour moi, en fait, le côté horrifique s'en va quasiment, et c'est notamment lié aussi à des questions de censure par rapport à la MPAA aux États-Unis qui s'occupe de classifier les films, ce qui fait que vraiment par rapport au premier Evil Dead où il y a vraiment du sang à foison et du gore, on voit que c'est progressivement remplacé plutôt par des sortes de liquides verdâtres ou de couleurs différentes, du slime, en fait, ce qui était utilisé en fait pour contourner la censure américaine. Et en ce sens, même dans Evil Dead 2, que je trouve très bruyant aussi comme film, avec ce Bruce Campbell qui hurle, mais les personnages secondaires en fait font que ça également. Ils ont pas plus de dialogue, et même quand la caméra s'intéresse à eux, c'est pareil, en fait ils sont possédés, ils essaient de lutter contre des possédés, donc ça part très vite aussi dans des gamelles, dans du slapstick. Et vu que le côté horrifique est, à mon sens, paraît désamorcé à partir du second, en fait c'est plutôt juste le 1 est un film d'horreur. Et le 2 et le 3 sont quelque chose d'autre, en fait. Mais de toute façon, c'est Rémi qui le disait lui-même, que le 2 c'est une comédie et que le 3 c'est un film d'aventure avec des éléments de fantastique et horrifique. Mais je mettrais quand même, à part des personnes de 10 ans et moins, je mettrais au défi, en fait, des adolescents d'être effrayés, même dans le contexte de leur sortie, d'être effrayés par Evil Dead 2 et Evil Dead 3. Alexandre Poncet, quel est votre avis sur cette dimension comique contre film d'horreur incarné par Evil Dead 1 et 2? Alors, le 1, c'est clairement un film d'horreur, c'est clairement un film de peur, c'est un film d'exploitation aussi, avec une séquence notamment dans la forêt que Rémi regrette aujourd'hui, et même que Robert Tapert regrette aujourd'hui, qui l'a refaite pour le 2 de façon beaucoup plus prude. Mais le 2, pour moi, c'est pas seulement une comédie. C'est-à-dire que c'est un film qui marche à deux niveaux. C'est presque un film de David Lynch par moments. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du cauchemar absurde. Donc c'est absurde, c'est drôle. Mais en même temps, ça fait un peu peur quand on y réfléchit. Il y a une scène où il se réveille sur son fauteuil à bascule. Et il peut plus se lever, en fait. Et il fait un cri très féminin. La scène est drôle, mais en même temps, quand on y pense, c'est super dérangeant. Et il y a beaucoup, beaucoup de détails comme ça, où le film fonctionne beaucoup à deux niveaux, contrairement au 3, qui, lui, n'a plus du tout d'éléments horrifiques, vraiment de peur. Et alors, Evil Dead 2, c'est une suite, c'est un remake, ou c'est déjà une forme de reboot avant l'heure ? Alors, Evil Dead 2, en fait, faut savoir que y avait des questions d'ayant droit. Hein. Chaque film est... Ah, nous avons perdu Alexandre Poncet. Allons-nous récupérer Alexandre Poncet ? Alors, j'en profite pour faire une incise. Il y a aussi un autre personnage dont on n'a pas encore parlé. C'est Stephen King, qui est lui aussi et est un petit peu responsable de la mise en branle d'Evil Dead 2. Oui, en fait, déjà, tout à l'heure, on parlait du succès du premier. Il est aussi dû à Stephen King qui a dit que c'était, je crois, le film le plus effrayant qu'il avait vu ces dernières années. Donc, c'est une citation qui avait été mise sur toutes les VHS et qui avait été beaucoup utilisée dans la promo du film. Et au moment de Evil Dead 2, en fait, Sam Raimi, lui, il est sur un échec de son film précédent, Mort sur le Grill, dont il a été un peu dépossédé par le studio. Il veut refaire un film et il pense qu'à ce moment-là, le plus simple, c'est de refaire un Evil Dead parce que le premier a marché. Donc, c'est Stephen King qui le met en relation avec Dino De Laurentiis qui produit le film de Stephen King Maximum Overdrive et comme Stephen King plaide pour Sam Raimi, ils vont trouver un accord pour en fait ils vont avoir un deal en 20 minutes de discussion, ils trouvent un deal et il veut vraiment, en fait c'est Dino De Laurentiis qui veut vraiment que le film Evil Dead 2 soit très proche du premier parce que Sam Raimi avait déjà l'idée d'un film médiéval qui voulait appeler Medieval Dead, qui était déjà un très bon jeu de mots, mais en fait Dino De Laurentiis voulait pas trop prendre de risques, il voulait refaire un petit peu la recette du premier en mieux parce qu'ils ont un budget qui est 10 fois supérieure. D'accord. Et alors, évidemment, c'est aussi une période où, bien avant Darkman, bien avant Spider-Man, avec le personnage de Ash dont on parle, il y a cette iconisation du héros avec un bras tronçonneuse, qui d'ailleurs est même encore évoqué par certains mangas aujourd'hui, Chainsaw Man, c'est un fils illégitime de Ash dans Evil Dead, avec ce bras tronçonneuse, ce fusil à pompe. Il y a déjà, chez Sam Raimi, les prémices de ce qui va être le réalisateur de Darkman et de la trilogie Spider-Man, Arnaud Tomasini. Il y a une figure effectivement de comic book movie en fait là-dedans avec un look déjà, enfin un personnage de comics, c'est vraiment un design qui est simple mais qui fonctionne. Donc là c'est la chemise bleue un peu entrouverte, le jean et effectivement bah, voilà des accessoires en fait dont le personnage se déparerait plus après. Donc d'une part parce qu'il est forcément, enfin je crois que j'ai revu Evil Dead 2 aussi pour préparer l'émission, je crois que c'est vraiment très très rapidement en fait en moins d'une demi-heure qu'il en est à se couper la main. Et à partir de ce moment-là aussi, t'auras toute cette envie de rejouer avec des codes du premier et de les changer, c'est-à-dire en se greffant, on ne sait pas parce que d'un coup ça devient un génie de la mécanique en fait, en arrivant à se greffer une tronçonneuse qui va utiliser vraiment pour se défendre contre les Deadites, c'est plus donc le fusil à pompe. Et en fait c'est ça, t'as les accessoires, Batman il a sa cape et son masque et ses Tarang, ma hache, en fait, il a la tronçonneuse et le fusil, c'est des éléments en fait que tu n'arriveras plus du tout à séparer. Mais ces épinards, c'est de la bière. Voilà, exactement. Et puis, sa stupidité aussi, quoi. Clairement, c'est un autre. C'est un autre On est de retour avec Alexandre Poncet au téléphone. Oui, tout à fait. Je suis de retour a priori. Oui, alors, je posais la question, est-ce que Evil Dead 2, c'était une suite, un remake ou une forme de reboot déjà avant l'heure ? C'est déjà presque un remake. En fait, c'est une suite remake. C'est vraiment une catégorie. Et d'ailleurs, Sam Raimi l'a fait plus tard avec Spider-Man 2, qui est une suite remake du premier. Oui. Donc, il joue beaucoup des séquences déjà connues, mais en fait, il les revisite avec le professionnalisme qu'il a gagné et avec les aptitudes qu'il a gagnées au niveau du style, au niveau de la technique. Evil Dead 1, c'était un tout petit film. Evil Dead 2 a beaucoup plus de budget, quand même, plusieurs millions de dollars. Et surtout, un décor entièrement contrôlé qu'ils ont créé en studio. Sur deux niveaux connectés. Ils ont créé ça dans un gymnase. Et donc, en fait, il peut beaucoup plus jouer avec la technique. Et aussi, c'est un film où il peut aller jusqu'au bout de ses idées et il va pas hésiter à prendre une journée entière pour faire un plan de quelques secondes. C'est pour ça que le tournage a été très long, hein, plus de 4 mois, sauf que le film est très court, 1h20, à cause de ça, parce qu'il est, il veut rien en fait rien laisser faire de comme côté. Compromis. Mmh. Ouais. On est toujours ensemble pour parler de la saga Evil Dead, mais pour le moment, on va écouter Jack Harlow avec Denver. Walking past a homeless in a Rolex. Just got off the stage on the Today Show and I basically felt soulless. Years go by and I keep saying I'm gonna use my phone less, but I should just be phoneless. Ignorance is bliss and so is being underground, cause it was fun when we were known less. Sorry, that's cliche, I know I'm so blessed, but Jason keeps on telling me say yes, and truth be told, I know he knows best, but I don't wanna do no press. I've seen enough of me on this little screen. I've become so vain and insecure about everything. I feel all this pressure to live up to what they tell me I'm gonna be. So I isolate myself, you can't help me, it's on me. I'm hiding any sign of weakness from my guys. I don't want them second guessing with me. Nemo said to keep my foot on next, cause I can't let them just forgive me. But the brags in my raps are getting less and less convincing. So I'd rather just... First verse in Denver, back in September. It's January now, and I'm feeling like myself again. I got Angel back in here, I need his help again. I'm taking time away, but wondering what a healthy helping is. Fuck it, they gon' check for me, I tell myself and tell my friends. Avoiding any talks about the elephant, chalking up the hate, the jealousy, and just embellishments. But deep down, I find myself wondering if the people that write about me are right about me. And I wonder if my exes are oversharing, cause they know a lot about me. I'm a long way from Shelby County. I've been through some local tension. Heard talks of a healthy bounty. Sober and focused, I cannot walk down no Delhi alleys. I still got the fellas round me. I love them and tell them proudly. My mama needs help adjusting. My father needs help accounting. I'm looking out heaven's window. I know that there's hell around me. So many losing hope in those dreams that they... Blockbuster sur France Inter. Une telle arrogance à tout du suicide. All right, you primitive screwheads, listen up. Très bien, bande d'abrutis. Écoutez ça et regardez. This ceci est un baguette magique. The 12 gauge double barreled Remington. Remington à canon double, calibre 12. S-Mart's top of the line. La meilleure affaire de chez Prima. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. That's right, this sweet baby was made in Grand Rapids, Michigan. C'est un pur produit du Michigan, en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. Retails for about $109.95. Et on vous la laisse à un prix ridicule de $180. Sa crosse est en noyer, son canon est en acier bleu trempé, et elle a une détente très sensible. That's right, shop smart. Chez Prima. Shop S-Mart. Les prix sont bas. You got that? C'est clair? Now I... Maintenant, je vous jure... The next one of you primates... Que le prochain primate... Even touches... Qui me cherche de loin ou de près... Yeah! Je le taser! Now... Ce que j'ignore... Let's talk about c'est how comment I... rentrer à la maison... Un extrait d'Evil Dead 3, l'armée des ténèbres. Vous avez entendu Bruce Campbell, Ash Williams, doublé en français par Patrick Florsheim. Et si c'est américain, c'est bien. Alexandre Poncet, ce Evil Dead 3, l'armée des ténèbres, ça a surpris énormément de spectateurs parce que c'est un film fantastique qui se situe au Moyen-Âge. On n'est plus du tout dans les codes établis durant les premiers Evil Dead. Non, on est beaucoup plus proche des films d'aventure de Ray Harryhausen, en fait. Hein. C'est un hommage direct à Jason et les Argonautes, au 7e voyage de Sinbad. Sam Raimi se fait plaisir. Robert, qui est le producteur, l'éternel producteur de Sam Raimi, qui est un fan absolu. Hein. Et d'ailleurs, on va reciter Xena. Xena est un hommage à Ray Harryhausen, comme Evil Dead 3. Et donc, c'est un film très, très différent. Donc, c'est un film différent. Voilà, je pensais qu'il y avait une suite. Mais donc, voilà, c'est un film très différent. Et c'est un film qui a connu trois fins différentes, oui, oui. En plus. Oui, c'est un film qui a été extrêmement remonté, pour plein de raisons. C'est-à-dire que... Eh bien, on n'aura pas Dino les... Dino De Laurentiis... Et ça coupe, votre liaison coupe un petit peu, Alexandre Poncet, c'est pour ça. Ah, je suis désolé. Non, mais on comprend, donc, Massy, oui, c'est loin. Ah bah c'est très loin. C'est une coproduction Universal d'Ino De Laurentiis et en fait les deux studios se sont pas du tout entendus. Et Dino De Laurentiis, lui, il n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Sam Raimi et son frère Ben Raimi qui a coécrit le script. Donc là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en coulisses. Le film est resté sur une étagère pendant presque un an. Ils ont retourné une séquence de fin vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que moi, je préfère la fin originale où le héros dort trop longtemps pour revenir dans le futur et il dort un siècle de trop. Il se retrouve dans un futur post-apocalyptique. Dans un Londres post-apocalyptique. Donc c'est voilà, c'était pour montrer que le héros était complètement stupide. Oui, ce qui ressemble beaucoup plus à Ash Williams, en fait. Absolument. Alors justement, Marie Casabonne, Arnaud Tomassini, comment avez-vous reçu ce Armée des Ténèbres quand vous l'avez vu? Alors moi j'étais très étonnée parce que j'ai enchaîné les trois le même jour. J'étais très étonnée de voir, comme je savais très peu de choses sur la saga, j'étais très étonnée de voir que ça avait été transposé dans un passage médiéval. Mais au final c'est assez logique puisque tous les Evil Dead, et on le verra après quand on parlera des suites, reboot, remake, etc. C'est toujours une variation sur un même thème. Et au final c'est assez logique que ça soit transposé dans d'autres endroits et dans d'autres époques. Arnaud Tomassini. Très surpris également en me prenant le DVD à l'époque, mais très déçu parce que ce qui m'avait vraiment plu, comme je disais au début de l'émission, c'était le gore. Et là, il est quand même quasiment absent en fait de tout le film. Et je conçois, enfin, j'apprécie toutes les qualités qu'il a en tant que film et dans sa façon de faire vivre ce décor moyenâgeux, toutes les créatures, vraiment l'animatronique. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes à regarder. Mais si on parle vraiment juste de ressenti, c'est pour moi personnellement celui que j'aime le moins du coup. Et donc arrive ensuite le remake de 2013 de Fede Alvarez. Et j'imagine que là, par contre, vous aviez tout votre content de sang et d'hémoglobine. Parce qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère dans celui-ci. C'est comme un enfant dans une sucrerie, dans un magasin de bonbons. J'étais aux anges. Mais en plus, c'était au début, on avait un petit peu peur en tant que fan d'horreur. Parce qu'on sortait de toute une décennie en fait, où il y a eu énormément de remakes de classiques de l'horreur. On a vu déjà les remakes de Massacre à la tronçonneuse, de Vendredi 13, ce genre de choses-là. Donc, Evil Dead, ça a quand même un statut à l'époque, toujours aujourd'hui, mais d'objet sacré presque. Il faudrait peut-être pas retoucher. On se demande, mais surtout que je crois que ça a été annoncé dès le départ que Bruce Campbell serait pas dedans. Donc, on se dit aussi, mais comment refaire Evil Dead sans Bruce Campbell? Comment refaire en fait un film qui a déjà déjà montré tout ce qu'il y avait à faire sur cette licence? Et en fait, ils arrivent à prendre une autre approche avec tout un autre tas de personnages, et ils arrivent à faire quelque chose d'hyper brutal. Effectivement, c'est très très sanglant, ça rigole pas du tout. On retourne aux origines vraiment du premier film. Pour moi, c'est vraiment on est dans l'horreur avec des personnages, des protagonistes pas super intelligents. Ouais, mais si on le reproche pas à quantité d'autres films d'horreur, je vois pas pourquoi on le reproche. Là, mais je le reproche aussi à d'autres films d'horreur. Hein. Vous inquiétez pas, il y a pas que celui-ci. Mais il y a vraiment un côté, par contre, vraiment, on est vraiment dans de l'horreur très très premier degré, très brutal, avec justement un maximum d'effets spéciaux aussi qui sont en dur, c'est pas du numérique, et certaines scènes qui sont aussi pour moi ultra iconiques, avec un final sur une pluie de sang vraiment tronçonneuse. Oui, avec la tronçonneuse, il y a des plans qui sont magnifiques, vraiment qui restent imprimés dans les rétines. Et ça, chacun des films Evil Dead, de toute façon, s'apprécie pour certaines qualités et certains plans qu'ils ont. Et celui-là, par contre, il en a vraiment. Enfin, c'était un soulagement quand c'était sorti au cinéma. Ouais. Marie Casabonne, comment vous l'avez reçu celui-ci? Moi, un petit peu comme Arnaud, j'étais assez méfiante. Je me demandais quel était l'intérêt de ressortir Evil Dead et de refaire quelque chose à ce moment-là. Idem, toujours l'inquiétude. Bruce Campbell sera pas là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette saga sans lui? Puisque c'est lui. Enfin, de toute façon, lui, c'est le rôle de sa vie. Et il a jamais fait autre chose. En tout cas, qui a eu un succès aussi retentissant. Il a fait Elvis. Ouh. Dans Booba Hotep. C'est vrai, qui est incroyable en plus. mais voilà, en tout cas, la saga et le personnage et l'acteur sont toujours très liés, et je trouve que le film est assez malin d'avoir pris une approche complètement différente, d'être parti sur un personnage féminin qui sera le rôle principal, plutôt que d'essayer de mettre un personnage masculin avec lequel on aurait forcément fait la comparaison en disant c'est lui le nouveau Bruce Campbell, ça marche pas. Donc c'était assez malin, et le thème de l'addiction, je trouvais que c'était un thème aussi assez malin. Ça donne une caractérisation très très brève des personnages, parce que c'est pas ce qu'on cherche dans Evil Dead. Oui, parce qu'ils se retrouvent dans ce chalet justement pour faire une sorte de week-end de désintoxication. Voilà, c'est une intervention de l'héroïne pour cette jeune fille qui est droguée, et donc ils essaient de la sevrer en fait. Et du coup, c'est assez malin parce que tous les moments où elle commence à être possédée, les autres ne la croient pas et pensent qu'elle ment et qu'elle veut juste partir pour évidemment échapper à cette intervention. Et donc, il y a ce doute qui plane et qui est assez malin, assez bien vu. On attaque la troisième partie de l'émission, mais avant cela, on écoute Otis Cœur avec Labrador. J'ai décidé de ne plus jamais te suivre. Laissez tomber les schémas et prendre la fuite. Un pas de côté, j'ai quitté la piste. N'essaie pas de me attraper, raye-moi de ta liste. Blockbuster sur France Inter. Nice day, hein? Belle journée, hein? Just wanted to say I'm sorry. Je voulais dire que j'étais désolé de devoir déjà te faire mes adieux. I don't even know. Attends, je te connais même pas. Now. Et du coup, you never will. Tu me connaîtras jamais. Which is fine. Ce qui vaut mieux. Because you really never parce que de toute façon, t'aurais jamais pu m'avoir. Moi, ta voix. Are you out of your mind? T'as fumé ou t'es pas? Oui, je sais, ça paraît complètement dingue, non? Je suis un vieux grisonnant avec 5 kilos de trop. D'accord, peut-être 15, mais c'est pas là la question. À un moment donné, t'aurais pas pu t'empêcher d'y penser. Do me a favor, will you? Fais-moi plaisir. Thank your mother for me. Remercie ta mère pour moi. She passed her genes down to you and all. Vanté de t'avoir refilé ses gènes pile là où il faut. My mother died. Ma mère est morte dans un accident de voiture il y a tout juste 6 mois. Wow. You know, in the future, si à l'avenir tu devrais peut-être te contenter d'un d'accord, je dirais. Parce que c'est super mal poli de balancer un truc pareil à un mec que tu viens de rencontrer. Mais tu sais quoi, t'es jeune. Tu finiras par comprendre. Adieu pour toujours, Kelly. Touch me again. Touche-moi encore une fois et il te faudra une autre main en bois. Okay, wait, another wooden hand. Attends, une autre main en bois pour remplacer la main en bois ou une autre main en bois pour remplacer la vraie? Real hand. Pour remplacer la vraie. Touché. Chatouilleuse. Un extrait de Ash vs Evil Dead, la série, et vous avez pu entendre Bruce Campbell, cette fois-ci doublé par Thierry Mercier, et Kelly, interprétée par Dana De Lorenzo, qui est doublée par Charlotte Correa. Alexandre Poncet, cette série Ash vs Evil Dead, qui pour moi est la vraie suite d'Evil Dead 2, comment elle est née et comment ils ont réussi à faire en 3 saisons à montrer autant de choses qu'on n'avait jamais vues sur un petit écran? En fait, c'est une collaboration avec une chaîne câblée américaine, Starz. Faut savoir que Sam Raimi et son frère Ivan avaient réfléchi à un Evil Dead 4, un film pendant des années. Ils avaient mis plein d'idées de côté. Et en fait, ces idées ont servi à la série quand Starz a proposé de faire une série autour de Evil Dead. Et vu que c'est une chaîne câblée avec zéro censure, ils ont pu y aller franco. Il y a effectivement des séquences qui vont très très loin. Pas forcément dans le pilote qui est réalisé par Sam Raimi, pilote que j'adore, mais dans le premier épisode de la saison 2, je crois que c'est celui-là, il y a une scène dans une morgue qui est assez... oui, c'est-à-dire où Ash effectue avec son corps une coloscopie. C'est ça. Oui. Marie Cazabonne, c'est vrai que donc vous avez vu tous les trois, vous avez vu les trois films et vous m'avez dit hors antenne que vous étiez plutôt déçu par la série. Ouais, moi j'ai pas trop aimé la série. On retrouve évidemment dans le pilote de toute la mise en scène de Sam Raimi et qui se perd un peu dans la suite, mais surtout moi ce qui m'a un peu sorti de la série, c'est les effets numériques qui ont pas beaucoup de budget. Et moi si j'aime Evil Dead et si j'avais autant aimé le film de Fede Alvarez de 2013, c'est parce que c'était des vrais effets physiques où on voyait vraiment le sang, on voyait vraiment les fluides. La texture, la matière. Et là, je trouve que sur les effets numériques, on voit pas tout ça et ça m'a un peu sorti de la série. Mais j'étais contente de retrouver Bruce Campbell, Ash en tout cas, qui était devenu le gros bof qu'il était destiné à être. Oui, c'est-à-dire que là, on c'est découvre la vraie continuité aussi du personnage. Sa ville d'origine, on découvre son père qui est joué par Lee Majors, l'homme qui tombe à pic, donc l'homme qui valait 3 milliards, ce qui fait que quand il se retrouve avec la main robotique de Ash, il y a du second degré sur le sujet. Et puis c'est aussi une série dans laquelle il y a Ruby, Lucie Lawless, Xena, épouse de Rob Tappert. Donc forcément, moi évidemment là j'étais déjà conquis hein. Donc Bruce Campbell et Xena dans la même série. Arnaud Tomassini, vous avez vu Ash vs Evil Dead? Oui. Et alors, est-ce que vous avez aimé ou non? Pas comme un gamin de nouveau dans un magasin de sucreries quoi, parce que c'est effectivement c'est gore, vraiment ça va. Et j'étais super heureux d'avoir effectivement la suite en fait de ce qui avait été amorcé à la fin de, enfin pour moi dans la même c'est la fin de Evil Dead 3, la fin alternative, enfin ou originale, je sais plus dans quel sens, mais oui, parce que c'était ça, c'est vraiment plaisir de revoir Ash et de le voir toujours jouer aussi bien en fait. Et c'est, sauf que maintenant on lui donne du corps et effectivement il a le rôle parfait de l'abruti qu'on a envie de baffer mais qu'on se plaît à suivre. C'est un anti-héros hein, vraiment, le cas secondaire. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'était de voir effectivement grâce à Starz, mais qui m'avait déjà montré avec une précédente série qui s'appelle Spartacus, qu'effectivement sur le sang ils s'en foutent complètement, mais voilà, qu'ils allaient vraiment très très loin dans chaque épisode, que même si sur trois saisons on peut peut-être, enfin moi j'ai pas ressenti forcément de lassitude parce qu'ils avaient toujours des idées quand même pour aller encore plus loin. J'ai quand même l'impression qu'il y a des effets plastiques aussi, autres que numériques. Ça, j'ai pas trop regardé. Et ça me faisait vraiment, c'est vraiment une sucrerie chaque semaine de retrouver ça. Et j'aurais bien aimé, au vu de la conclusion de la saison 3, qui amorce aussi en fait la fin originale presque de Army of Darkness, en fait, de dire une saison 4, ça aurait pu être drôle d'aller dans cette direction. Ça s'est pas fait. Parce que Bruce Campbell aussi, en fait, a décidé d'arrêter. C'est pas dit qu'il puisse avoir un sursaut d'ici un an ou deux encore pour revenir. Mais en tout cas, c'était un vrai cadeau, je pense, fait pour les fans. Il y avait zéro raison de le faire et que ça marche. Et ça existe maintenant, quoi. Et Evil Dead Rise est sorti cette année, réalisé par Lee Cronin. Et cette fois-ci, l'action se situe dans un immeuble et touche une famille, et plus spécifiquement des enfants. Marie Cazabonne, qu'est-ce que ce film a apporté, selon vous, à la saga? Alors pour moi, il n'a pas apporté que des bonnes choses. Pour moi, c'est plutôt une mauvaise conclusion. Bon, j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres choses après. Mais en fait, il y avait une volonté de sortir l'action de la forêt et de la cabane et de venir dans un espace urbain. Je trouve, par contre, moi, pour le coup, que c'est pas très bien utilisé, que c'est pas très bien amené, parce qu'ils ont au final recréé un huis clos dans un appartement coupé du monde puisque l'ascenseur est cassé et pendant un tremblement de terre. Donc, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Ils ont essayé aussi un peu de réactualiser les thèmes, mais pour moi, il y a un peu trop de caractérisation des personnages et c'est pas ce qu'on cherche dans Evil Dead. Et surtout, moi, c'est un film, je trouve, qui tombe un peu dans les pièges qu'avait su éviter le film de 2013 de Fede Alvarez, à savoir beaucoup de références, beaucoup de fanservice et des tableaux horrifiques qu'on a vu beaucoup ailleurs, ce qui n'était pas le cas de celui de 2013. Donc moi, ça m'a un petit peu déçu. Ah là, il y a Arnaud qui brûle, parce que lui, je sais qu'il a bien aimé. Oui, pour différents aspects, c'est ce que je trouvais justement que ça réussissait justement à se renouveler en refaisant pas le premier et le deuxième, mais surtout ce que je garde en tête, c'est des images, beaucoup de certaines séquences, une séquence de l'ascenseur qui renvoie à Shining que je trouve absolument monstrueuse, un écran titre que je trouve absolument génial, et aussi une forme de body horror qui était pas non plus encore tout à fait ce qu'elle avait été avant, qui m'a aussi régalé visuellement. Donc je trouve qu'il y a des instants de spectacle dans un film qui effectivement est plus critiquable que les autres. Comme quoi, il y a un Evil Dead pour tout le monde. Soit une série, soit un film, soit un reboot, soit un remake. Arnaud Tomassini, Alexandre Poncet, Marie Casabonne, merci beaucoup. Cette émission, je vous le rappelle, est réalisée par Charles de Silia, qui a toute sa tête, hein, même quand je lui fais écouter des extraits horribles avec des gens qui s'éviscèrent, etc. Elle a été préparée par Benjamin Ducy, qui lui n'a pas totalement toute sa tête. Lysiane Larbani, elle va très bien. Et à l'aide de nos stagiaires Mathias Bellassen et Céline Grillon. À la technique aujourd'hui, on remercie très chaleureusement Guillaume Ficheux et au mixage Théo de Lobadère. Évidemment, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, je répète 01 56 40 30 20, ou parler avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Voici le bras de socialiste que vous m'avez demandé, mon maître. Oh, merci, mon fidèle serviteur. Voici la touche finale qui manquait à mon chef-d'œuvre. Je vais enfin pouvoir créer le politicien parfait. Regarde-le comme il est beau. Une tête de gaulliste, un cœur de républicain, un bras de socialiste et un autre d'extrême droite parce qu'on ne sait jamais. Deux jambes d'écolo parce qu'ils aiment bien marcher. Il est parfait! Mais maître, vous n'avez pas oublié l'extrême gauche? Non, c'est passé de mode. Lance la machine, Igor! Oui, maître! Regarde! Il bouge! Il est vivant! Vivant! Attends, il va parler! Françaises, Français, mes chers compatriotes. Demain dans Blockbuster, Frankenstein.